« Ayez du courage, madame, » répondit Josepha, qui s'était mise sur un coussin au pied de la baronne et qui lui baisait les mains. « Nous le retrouverons. Et s'il est dans la fange, eh bien, il se lavera. » « Croyez-moi, pour les personnes bien élevées, c'est une question d'habit. Laissez-moi réparer mes torts envers vous, car je vois combien vous êtes attachée à votre mari, malgré sa conduite, puisque vous êtes ici. Dame, ce pauvre homme, il aime les femmes. Eh bien, si vous aviez eu, voyez-vous, un peu de notre chic, vous l'auriez empêché de courailler, car vous auriez été ce que nous savons être, toutes les femmes pour un homme. » Le gouvernement devrait créer une école de gymnastique pour les honnêtes femmes. Mais les gouvernements sont si bégueules. Ils sont menés par les hommes que nous menons. Moi, je plains les peuples. Mais il s'agit de travailler pour vous et non de rire. Eh bien, soyez tranquille, madame. Rentrez chez vous, ne vous tourmentez plus. Je vous ramènerai votre Hector, comme il était il y a 30 ans. Oh, mademoiselle, allons chez cette madame Grenouville, dit la baronne. Elle doit savoir quelque chose. Peut-être verrai-je Monsieur Hulot aujourd'hui, et pourrai-je l'arracher immédiatement à la misère, à la honte. »